Moi, mon père, il voit tellement rien que quand il veut se garer, il me déhoque de descendre de la voiture pour l'aider. Eh bien, le mien, il a une deuxième paire de verres Varilux, exprès pour conduire. Conduite, sport, solaire. Pour votre deuxième paire, choisissez aussi Varilux avec les offres Calissime. Varilux, un verre Essilor. Opticien participant sur Essilor.fr. Dispositifs médicaux, consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien. Professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut. Il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment les universitaires experts ont-ils été mobilisés avec la Première Guerre mondiale ? Comment est-on passé d'un entrelacs de relations informelles entre voyageurs, orientalistes et archéologues à une institutionnalisation de leurs fonctions dans le cadre d'une mobilisation générale de toutes les compétences, demande l'historien Henri Laurence, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France. De l'acroléine développée par Charles Moureux pour la guerre chimique de 1914, substance entachée du sang des soldats asphyxiés, aux antioxydants, découverte majeure, quel est le paradoxe de la science et de ce qu'en font les hommes, demande le chimiste Marc Fontecave, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de chimie des processus biologiques. Sur quel chemin complexe s'engagent les universitaires et chercheurs du front de sable, celui des déserts, à celui de boue des tranchées? Comment s'organise d'un côté le monde du renseignement et de l'autre une recherche scientifique en mal de moyens et de crédits dans un contexte de grande rivalité entre puissances sur tous les terrains? Depuis hier, nous vous proposons de larges extraits du colloque donné à l'automne 2014 sous le titre « Autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée, sciences, arts et lettres ». Dans cette perspective, le Collège de France a invité ses professeurs et différents chercheurs dans une approche interdisciplinaire sur la question des répercussions sur le long terme de la Première Guerre mondiale. L'historien Henri Laurence revient en première partie sur le grand jeu de la question d'Orient et sur l'émergence accélérée par la guerre de l'expertise moderne en matière de politique envers l'islam, d'Alfred le Châtelier au mythique Lawrence, en passant par Louis Massignon et Gertrude Bell, mais aussi des figures politiques d'Aloïs Musil et de Max von Oppenheim. Le chimiste biologiste Marc Fontecave s'attache pour sa part en deuxième partie au parcours en clair-obscur de Charles Moureux, professeur au Collège de France, engagé et déchiré dans la guerre chimique, mais aussi engagé au service d'une mise en valeur de la recherche scientifique et de ses moyens, aux côtés d'un Barès qui s'attaque à la misère matérielle des laboratoires français. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes de cette histoire complexe. Et nous gagnons le Collège de France le 16 octobre 2014. Tout de suite, nous retrouvons Henri Laurence, orientaliste, aventurier, expert et diplomate. Et d'habitude, la Première Guerre mondiale a pour symbole la boue. Moi, je vais vous parler du sable chaud, désert. Si on prend la célèbre définition de Flaubert dans le dictionnaire des idées reçues que l'orientaliste est l'homme qui a beaucoup voyagé, il est incontestable que si on prend le terme orientaliste dans un sens relativement large, regroupant artistes, écrivains, dont Flaubert lui-même, savants de cabinet, fonctionnaires des services des affaires indigènes, diplomates spécialisés dans les affaires orientales, archéologues et voyageurs explorateurs, tout ça forme cet ensemble que le XIXe siècle a défini comme étant les orientalistes, avec une grande perméabilité des catégories Rappelons que, par exemple, les fondateurs de la syriologie, Layard et Botta, Layard en Angleterre et Botta en France, étaient des diplomates au départ. Et rappelons surtout qu'encore au début du XXe siècle, le Proche-Orient vit dans un état, disons, de manque de modernité, sauf sur le littoral, et donc être orientaliste sur le terrain avait un caractère nettement d'aventurier, en particulier dans les explorations des déserts, qui était la grande mode à cette époque. Ces orientalistes participaient à la question d'Orient, dans le double sens que le terme pouvait prendre, celui de question d'Occident, c'est-à-dire opposant les puissances occidentales entre elles, comme dans les luttes d'influence dans l'Empire ottoman, mais aussi comme occidentalisation des sociétés musulmanes. Ces orientalistes qui étaient donc sur le terrain bénéficiaient pleinement du réseau consulaire et des ambassades de Constantinople, et ils étaient des interlocuteurs quasi permanents des consuls. Il n'y a pas de voyage en Orient, après la seconde moitié du XIXe siècle, qui ne se fasse pas directement en liaison avec les consuls. Ça commence déjà chez Flaubert et ça se continue. De même, avant 1914, il n'y a pas à proprement parler de services de renseignement occidentaux au Proche-Orient, puisque c'est le réseau consulaire qui draine les informations, et les orientalistes donc sont parmi les informateurs du réseau consulaire. Les seuls à disposer d'un service militaire de renseignement, ce sont les Anglais, puisqu'ils sont en Égypte en 1882, ils occupent l'Égypte en 1882, mais ce n'est qu'un amorce de service de renseignement militaire qui se trouve en Égypte en 1914. Alors, on pourrait distinguer trois grandes écoles de pensée orientaliste du contemporain au début du XXe siècle. La première école est l'école française qui a tout de suite changé après la disparition de Renan en 1892, puisque on passe d'un orientalisme fixiste de cabinet à un orientalisme de terrain fondé sur l'analyse sociologique. Et le grand exemple est Alfred Le Châtelier, 1855-1929, qui est d'abord un officier des affaires indigènes, qui aura la chaire de sociologie et de sociographie musulmane au Collège de France en 1902. Il est très introduit dans les milieux politiques, mais il est relativement rejeté par le milieu colonial, tout simplement parce que en 1895, il a tué en duel le chef du parti colonial français, Harris Ali. Donc c'est le seul professeur au Collège de France, à ma connaissance, qui a tué quelqu'un en duel. Mais avant sa nomination. Le Châtelier est le fondateur de l'expertise moderne et sociologique, d'une sociologie du contemporain dans le monde musulman. Et il pousse à ce qu'il appelle une politique musulmane de la France, qui va aboutir en 1911 à la création de la commission interministérielle des affaires musulmanes, mais sans lui, étant donné justement l'héritage de son duel. Cette commission interministérielle des affaires musulmanes, qui est chargée des études et qui regroupe les affaires étrangères à cause de la Tunisie et du Maroc, de l'intérieur avec l'Algérie, les colonies avec l'Afrique noire, le ministère de la guerre un peu partout, les affaires étrangères pour le monde musulman encore indépendant. L'orientation générale donc de cette islamologie française est une islamologie appliquée à la gestion des populations musulmanes sous domination française et aux transformations en cours dans le monde musulman semi-indépendant avec les révolutions persanes de 1906 et jeunes turcs de 1908. Du côté britannique, il n'y a pas du tout d'équivalent de la commission interministérielle des affaires musulmanes, bien que le Committee for Imperial Defense créé en 1902 par Lord Balfour, tient en partie des responsabilités équivalentes, mais la perspective est plus nettement méritée. Ce qui fait noter, c'est que déjà en 1865, les Britanniques avaient créé le Palestinian Exploration Fund pour explorer la Terre Sainte et les études bibliques, mais que beaucoup des archéologues du Palestine Exploration Fund sont en fait des ingénieurs militaires, dont en particulier le jeune Horatio Kitchener, qui fait des relevés de la Palestine au début des années 1870 et qui aura la carrière militaire qu'on lui connaît. Évidemment, il y a l'énorme personnalité britannique qui va dominer jusqu'à sa mort au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'orientalisme britannique, c'est Wilfrid Blount, 1840-1922, proche des nationalistes égyptiens et des réformistes musulmans, qui est aussi un poète, un écrivain, un polémiste, un diariste et quelqu'un très introduit dans les milieux politiques britanniques. L'influence primordiale, ce qui pratiquement modèle les orientalistes britanniques du début du XXe siècle, c'est l'influence du roman de Kipling, Kim, publié en 1901. Dans le cadre du grand jeu qui oppose Britanniques et Russes en Asie, les agents britanniques se font passer pour des indigènes afin de collecter les informations. Kim est considéré comme un véritable manuel pour la nouvelle génération des voyageurs britanniques en Orient. Du côté allemand et autrichien, la question, ce qu'on considère d'habitude que les Allemands et les Autrichiens sont des orientalistes de cabinet, ce qui n'est pas vrai, bien qu'évidemment ils n'aient pas d'empire coloniaux en terre d'islam. Mais il y a tout un romantisme qui est lié à l'entourage impérial et aux conseillers de Guillaume II depuis les voyages en Orient de Guillaume II, Hajj Willem, comme on dit en arabe, le pèlerin Guillaume, et évidemment toute l'affaire de la constitution du BBB, du chemin de fer de Bagdad, qui doit servir d'axe de pénétration à l'Allemagne jusqu'au centre de l'Asie, et qui évidemment est la grande question géopolitique du Proche-Orient au début du XXe siècle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis le début du XXe siècle, pour les Français et pour les Anglais, l'alliance turco-allemande s'appuie sur la doctrine du pan-islamisme, et pour les Français et les Anglais, le pan-islamisme est une création germanique. Alors nous allons maintenant voir quelques personnages en quête de rôle au début du XXe siècle. On va prendre le cas de savants, explorateurs, anthropologues et archéologues du Moyen-Orient. Le premier à voir, c'est le père dominicain Antonin Jossin, 1871-1962, arrivé jeune en 1890 à l'école biblique de Jérusalem. Il se consacre à l'archéologie et à l'anthropologie des régions de Transjordanie. Avec son camarade le père Savignac, il explore les régions inhospitalières, puis pénètre profondément en Arabie. Ses ouvrages majeurs d'avant 1914 sont « Coutumes des Arabes au pays de Moab », c'est-à-dire la Transjordanie, publié en 1908, et le début de la publication de la monumentale « Mission archéologique en Arabie », puisque Jossin et Savignac sont les premiers à explorer systématiquement Médaïne Salée et toutes les cités nabatéennes de la péninsule arabique. Comme il se doit, le père dominicain est en liaison avec le réseau consulaire. On lui doit un très intéressant rapport sur un soulèvement bédouin en 1910 en Transjordanie. J'avais fait un article jadis. Le second Français qui nous intéresse, à tout seigneur, tout honneur ici au collège, c'est Louis Massignon, qui, 1883-1962, jeune orientaliste qui a commencé par voyager en Afrique du Nord, en particulier au Maroc, puis qui découvre l'Orient arabe, et dès 1907, il est le collaborateur d'Alfred Le Chatelier. Ses recherches sur la mystique musulmane le conduisent en Irak, où il aurait été dénoncé par des archéologues allemands comme étant un espion français. Il est vrai qu'il avait pris l'habit indigène. C'est en mai 1908 qu'a eu lieu la fameuse visitation de l'étranger qui aboutit à sa conversion au catholicisme. Il entre en relation étroite avec le père de Foucault et Paul Claudel. Il séjourne à plusieurs reprises en Égypte, où il enseigne dans la toute jeune université du Caire, alors une association privée. Du côté anglais, on doit noter le rôle essentiel de Hogarth, qui fait de son poste de curateur à l'Ashmolean Museum à Oxford le centre d'un vaste réseau d'experts à titre divers de l'Empire ottoman. On y trouve ainsi un jeune diplomate explorateur qui est devenu parlementaire, MP, Sir Mark Sykes, que vous voyez ici, qui a déjà publié plusieurs relations de voyage en Orient. Il est dans les débats parlementaires l'expert de la Chambre des communes. La seule femme dans cette assemblée... Non, elle est perdue. C'est du sexisme. On la retrouvera. La seule femme dans cette assemblée orientale, c'est Gertrude Bell, 1868-1926, issue d'une famille fortunée d'industriels ayant des relations étroites avec les milieux dirigeants. Elle a entrepris très jeune de nombreux voyages, dont deux tours du monde. Après 1900, elle se concentre sur l'Orient arabe, en particulier la Mésopotamie et la péninsule arabique. Elle procède à des relevés archéologiques et publie plusieurs relations de voyage. Ensuite, vous avez là les inévitables T. Lawrence et Leonard Wallace, que vous voyez ici, jeunes ingénieurs de fouilles à Carchemish en 1910, fouilles commandées par Hogarth, donc T. Lawrence, vous le reconnaissez évidemment. Et en 1914, Lawrence et Wallace sont chargés par le Palestinian Exploration Fund d'un relevé géographique du Sinaï et de la péninsule arabique, qui est une couverture pour une mission de renseignement commandée par Kitchener, maintenant au commissaire en Égypte. Ils en sont parfaitement conscients et ça amuse surtout les deux jeunes gens. Du côté germanique, on signalera deux cas. Le premier est l'Austro-Hongrois, plus exactement Morave, Alois Musil, dont vous voyez la photo ici en bédouin. C'est un cousin de Robert Musil. D'origine très modeste, il a été ordonné prêtre en 1891, puis a fait des études à l'école biblique de Jérusalem et à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. En 1909, il devient professeur d'études bibliques et d'arabe à l'université de Vienne. C'est un inlassable voyageur dont les relations de voyage en Orient sont considérées comme les plus complètes à l'époque. Le contraste est très fort avec le baron Max von Oppenheim, 1860-1946, que vous voyez ici en terre bédouine. Issu de la grande famille des banquiers juifs Oppenheim, qui se sont convertis au catholicisme et qui sont parvenus jusqu'à l'entourage Emeya de Guillaume II. Oppenheim fait ses premiers voyages en Afrique du Nord dans les années 1880, puis se passionne pour les bédouins de l'Orient arabe. La publication de ses relations de voyage fait de lui un expert reconnu de l'Orient arabe. De 1896 à 1909, il s'établit au Caire comme attaché au consulat allemand. Il noue des relations avec de nombreuses personnalités de la région et sert d'agent officieux de liaison avec les nationalistes égyptiens. Dans ses rapports envoyés à Berlin, il insiste sur la force du mouvement pan-islamiste. Il apparaît comme l'un des inspirateurs de la politique de Kaiser. Français et anglais voient déjà en lui une sorte de chef d'orchestre clandestin des mouvements islamistes hostiles à la domination. À partir de 1911, Oppenheim se consacre à sa grande fouille archéologique de Tel Alaf, qui couvre un champ chronologique allant du néolithique jusqu'à l'époque hellénistique. Alors, on pourrait citer d'autres personnalités, mais ça sont les plus importantes. On voit qu'il y a des relations indirectes, puisque le célèbre chef bédouin de Transjordanie, Aouda Abou Taï, que vous connaissez dans l'interprétation magnifique qu'a donnée Anthony Quinn dans le film Lawrence d'Arabie, a été successivement le guide de Jossin, Gertrude Bell, Alois Musil, avant de devenir le compagnon d'armes de Thierry Lawrence durant la Première Guerre mondiale. Alors, l'entrée en guerre de l'Empire ottoman du côté de l'Allemagne en novembre 1914 signifie d'abord la disparition du réseau consulaire des pays alliés et donc, d'un seul coup, toutes les sources d'information sont coupées. La grande angoisse du côté français et britannique, c'est la proclamation du djihad lancée par le calife de la mer, le calife de Constantinople à l'instigation des Allemands, et dans les textes britanniques, on parle tout simplement de djihad Men in Germany. Alors, en première ligne du djihad Men in Germany, c'est Oppenheim qui se veut l'organisateur du djihad allant de l'Inde au Maroc. Son réseau en voie de constitution collabore avec l'organisation secrète des jeunes Turcs, la Teşkilat Mahsusa, qui a le même but. Des émissaires sont envoyés ainsi dans l'ensemble du monde musulman. C'est le cas d'Alois Musil, qui est chargé de faire participer les tribus d'Arabie centrale au djihad turco-allemand. Les émissaires allemands distribuent des subsides un peu partout pour pousser au djihad. Les émissaires allemands vont jusque dans les villes Sinjar de Najaf et Karbala pour acheter les grands ayatollahs pour qu'ils proclament le djihad. Les ayatollahs encaissent l'argent et proclament le djihad, bien que de toute façon ils auraient certainement proclamé le djihad de toute façon. Mais ils vont bien. Du côté français et britannique, on est dans une situation à la fois d'alliance et de rivalité. À Londres, Lord Kitchener est devenu maintenant ministre de la guerre, c'est le grand organisateur de l'effort de guerre britannique. Vous rappelez, votre pays a besoin de vous avec son doigt. C'est une des plus célèbres images de la Première Guerre mondiale. Et donc, il délègue à Sir Mark Sykes la gestion du dossier des affaires musulmanes. Donc, Sykes sera l'émissaire de Kitchener dans les cercles dirigeants britanniques. Et puis, après la disparition de Kitchener en 1916, noyé dans un torpillage de son navire de guerre, Sykes continuera à gérer le dossier pour le cabinet de guerre britannique. Du côté français comme du côté anglais, ils s'opposent ce qu'on appelle les occidentalistes, ceux qui pensent que la guerre sera gagnée sur le front européen, aux orientalistes, entre guillemets, Easterners en anglais, qui prônent une stratégie périphérique orientée contre les pires ottomans, ce qui conduira à la bataille des Dardanelles en 1915. En Égypte, les renseignements militaires britanniques manquent de personnel compétent pour déterminer ce qui se passe derrière les lignes ennemies. Du coup, on recrute à tout va tous ceux qui tombent sous la main. Donc, du côté britannique, deux jeunes archéologues, Thierry Lawrence et Léonard Wallet, qui sont rejoints très rapidement par deux archéologues français, les pères Jossin et Savignac. Jossin et Savignac vont d'abord servir dans les services britanniques avant que les Français créent leur propre service de renseignement, le service d'information de la marine française dans le Levant, puisque c'est la marine française qui est la seule arme française présente sur le théâtre d'opération Proche-Orient, donc le SIMLN. Au Caire, dès le début de 1915, ces archéologues se démontrent être de remarquables officiers de renseignement, puisque entraînés à gérer la gestion de Tesson, ils savent très bien débrouiller les multiples informations qui leur arrivent. Et Thierry Lawrence joue très rapidement un rôle important, puisqu'on a pu démontrer que ce sont les notes de Thierry Lawrence qui ont servi à Sir Henry McMahon, au commissaire au Caire dans la fameuse négociation avec le shérif Hussein de la Mecque. Et alors, il y a évidemment concurrence des différents services de renseignement. Alors, sous une suggestion de Seitz, on essaye de centraliser ça en créant en 1916 l'Arabe Bureau du Caire, qui est dirigé par Hogarth. Gertrude Bell, qui a d'abord été partie dans la Croix-Rouge en France en 1914, puis a servi de productrice de notes pour les services anglais à partir de Londres, est envoyée à la fin de 1915 en Égypte, où elle retrouve ses vieux amis, Hogarth et T. Lawrence. Elle reçoit, comme tous les autres, des grades militaires de courtoisie et participe à la fondation de l'Arabe Bureau. Mais surtout en 1916, elle est envoyée sur le théâtre d'opération qu'elle connaît le mieux, puisqu'elle est envoyée représenter l'Arabe Bureau auprès des Anglo-Indiens qui font la conquête de la Mésopotamie. Et très rapidement, Gertrude Bell va devenir l'Oriental Secretary de Sir Percy Cox, puis qui est le Chief Political Officer du camp expéditionnaire. Autrement dit, c'est elle qui gère la politique indigène des Britanniques en Irak. Quant à T. Lawrence, il fait de la révolte arabe son affaire personnelle. Elle éclate en juin 1916, mais il ne peut être qu'en octobre 1916 sur le terrain. C'est le début de la geste laurentienne, l'un des grands mythes du XXe siècle. En février-mars 1917, Jossin et Savignac se rendent faire une mission d'exploration à Hedjaz, d'où cette photo extraordinaire. Vous voyez le père Jossin et T. Lawrence, déjà en costume bélois, sur le navire de guerre français, le Saint-Brieuc, au large d'El Wedge, en février, le 19 février 1917. À cette époque, Jossin est devenu le chef du département politique du service de renseignement français au Levant. Louis Massignon n'a pas été immédiatement mobilisé en 1914. En novembre 14, Paul Claudel l'a fait envoyer à la Maison de la Presse du Quai d'Orsay, organe de propagande fondé par Philippe Berthelot, fils du professeur au Collège de France, et qui était considéré comme une boîte de planqués durant la guerre. Mais c'est insupportable pour le jeune homme, qui se fait envoyer comme interprète au front de Dardanelles en mars 1915. Il y arrive au mois d'août, d'où le fait qu'il se retrouve logiquement ensuite à Salonique. Puis il est muté dans une unité combattante sur le front bulgare. Pour sa bravoure au feu, il obtient la croix de guerre. En mars 1917, il est affecté auprès du haut-commissaire français en Palestine et en Syrie, François-Georges Picot. Il s'agit de faire appliquer sur le terrain le fameux accord des Sykes-Picot. Dès mai 1917, Massignon est au Hedjaz, où il rencontre à son tour Faisal, puis il collabore avec T. Lawrence et l'Arabe Bureau. La rivalité franco-britannique est à son comble. Vous voyez sur cette célèbre photo de l'entrée d'Allenby en décembre 1917 à Jérusalem, en arrière-plan, deux képis. Les deux képis sont Georges Picot et Louis Massignon. Au début de 1918, Jossin se retrouve à Jérusalem, où il dirige les services de renseignement français en position avancée, et Massignon est aussi basé à Jérusalem au nom de la mission Picot. Ensuite, en 1919, Jossin et Savignac seront démobilisés et recevront la Légion d'honneur. Donc, T. Lawrence est l'organisateur de la stratégie britannique sur le Proche-Orient durant la conférence de la paix, c'est-à-dire conduisant un choc frontal avec les Français, ce qui échoue. Du coup, à l'été 1919, on le rappelle, et il est envoyé comme fellow à Oxford. C'est à cette époque qu'il définit une fois pour toutes sa vision des choses dans une célèbre lettre à Lord Curzon. « Mon ambition personnelle est que les Arabes soient notre premier dominion et non notre dernière colonie, à peau bronzée. Les Arabes réagissent contre nous si vous essayez de les mener et ils sont aussi tenaces que les Juifs. Mais on peut les conduire partout sans user de force si c'est théoriquement bras dessus, bras dessous. L'avenir de la Mésopotamie est si grand que si ce pays est notre ami, nous vous pouvons par son moyen faire pencher tout le Moyen-Orient. » Face à lui, il y a Louis Massignon, qui a relié de fortes relations d'amitié avec Sir Mark Sykes. En juin 1919, Massignon reçoit la suppléance d'Alfred Le Chatelier au Collège de France. Mais à l'automne 1919, Clémenceau charge Massignon de négocier avec Faisal, ce qui conduira à l'accord avorté Faisal-Clémenceau de décembre 1919. C'est en 1920 que Massignon définit sa ligne politique. Le moment est venu en France surtout d'aller plus en avant. Une politique musulmane vraiment réalisatrice doit se résoudre à envisager Iketnunk, adaptation prochaine au monde moderne des formes spécifiques de la société musulmane, puisqu'elle ne veut pas mourir, à considérer jusqu'à quel point la défense de l'ordre social occidental peut s'associer aux musulmans dans la défense de leur culture traditionnelle, de leurs règles de vie communes, de leur patrimoine de croyants. La France, qui a accordé la première le droit de cité à Israël, se doit de prendre le moment venu la même initiative pour l'islam. En 1926, Massignon succède à Alfred Le Chatelier dans la même chaire de sociologie et de sociographie du monde musulman au Collège de France. Le Collège de France et France Culture vous ont présenté l'historien Henri Laurence, orientaliste, aventurier, expert et diplomate. Et tout de suite, nous retrouvons le chimiste-biologiste Marc Fontecave, Charles Moreux du Collège de France au gaz de combat, pour le colloque autour de 1914-1918. Nous sommes le 22 avril 1915, sur le front du secteur d'Ypres, au sud de la Belgique. Une bataille décisive est engagée entre les troupes allemandes d'un côté et les troupes françaises, canadiennes et le régiment belge des grenadiers de l'autre côté. Il est 18 heures. Le ciel soudain s'obscurcit d'un nuage vert jaunâtre, très dense, qui envahit les tranchées dans lesquelles sont cachées les troupes alliées. Les gorges deviennent brûlantes, les douleurs thoraciques se font de plus en plus violentes. Les corps asphyxiés tombent. Les autres paniquent, essayent tant bien que mal de se protéger du gaz avec des chiffons boueux et imbibés d'eau et d'urine, sortent des tranchées et s'enfuient devant l'armée allemande qui avance. Quand l'atmosphère s'éclaircit, plus de 5000 soldats sont à terre et 5000 sont faits prisonniers. C'est la première fois que l'armée allemande utilise des gaz de combat à une telle échelle. Ce gaz suffocant et toxique, cette vapeur verdâtre, c'est du chlore. 160 tonnes de chlore liquide ont été introduites dans plusieurs milliers de bonbonnes cylindriques bien orientées. À l'ouverture de ces bonbonnes, dès que le sens du vent a été favorable, le chlore s'est vaporisé instantanément et s'est échappé vers l'ennemi. Ce n'est que le début d'une longue série d'attaques chimiques qui seront déclenchées par les deux camps pendant la Première Guerre mondiale. À la fin de la guerre, plus d'un obus fabriqué sur quatre, tout pays belligérant confondu, contenait une charge chimique. Même si dans l'histoire de l'humanité, les guerres ont toujours donné lieu à l'utilisation de composés chimiques toxiques, on peut dire qu'en ce 22 avril 1915, Homo sapiens vient de donner naissance à la guerre chimique moderne. Malgré toutes les conventions internationales visant à l'interdire sans succès, on peut citer la déclaration de Bruxelles de 1874, la conférence de La Haye en 1899, la convention de La Haye en 1907, qui fut pour la première fois ratifiée par tous les pays impliqués dans le conflit de 1914. Enfin, la Convention sur l'interdiction des armes chimiques signée le 13 janvier 1993 à Paris, cette guerre chimique ne cessera plus jamais. Elle donnera naissance à des produits de plus en plus sophistiqués, vous avez là quelques formules chimiques, comme le phosgène, un gaz suffocant et hautement mortel, le fameux gaz moutarde, qui fait son apparition en 1917, le gaz sarin et de nombreux autres composés organophosphorés neurotoxiques comme le tabac. Dans les années 60, l'agent orange, un mélange d'herbicides et de dioxines issus des laboratoires Monsanto et Dow Chemical, a été très largement utilisé pendant la guerre du Vietnam. On estime aujourd'hui que près de 80 millions de litres de ce défoliant cancérigène ont été déversés, qu'il a touché 20% des forêts du Sud Vietnam et empoisonné 400 000 hectares de terrains agricoles et de rizières. Plusieurs millions de Vietnamiens ont été exposés à ces composés avec de redoutables conséquences pour leur santé. En termes de quantité de composés chimiques toxiques utilisés, cette guerre est considérée comme la plus grande guerre chimique de l'histoire. Le 16 mars 1988, l'armée irakienne a bombardé à l'arme chimique la ville kurde d'Al-Abja, tuant 5000 hommes, femmes et enfants et laissant 7000 blessés et handicapés à vie. Le 21 août 2013, un bombardement important à l'arme chimique a lieu dans l'est de Damas, faisant plusieurs centaines de morts. La Syrie posséderait plus de 1000 tonnes d'armes chimiques, issues d'un programme chimique débuté dans les années 70 avec l'aide de la Russie. Le 11 octobre 2013, le prix Nobel de la paix est décerné à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, qui a supervisé depuis sa création en 1997 la destruction de 80% des stocks d'agents chimiques déclarés à environ 60 millions de tonnes. Le développement de l'arme chimique mortifère pendant le conflit de 1914 a, de façon à la fois évidente et paradoxale, joué un rôle majeur dans la montée en puissance de l'industrie chimique, qui deviendra l'une des plus importantes industries des sociétés modernes et émergentes, contribuant à leur croissance et à leur progrès économique et social sans précédent pendant une grande partie du XXe siècle. L'Allemagne a compris, dès la fin du XIXe siècle, l'importance de cette industrie, avec un développement fantastique d'entreprises comme BASF, Bayer, Hoechst, qui dominent en particulier le marché des colorants, à l'époque le secteur d'activité le plus dynamique. Cette puissance industrielle a constitué pour l'Allemagne un avantage déterminant pour le développement de son industrie de l'armement et pour le déclenchement de la guerre. Nous pouvons mettre en particulier en avant les travaux du chimiste allemand Fritz Haber, menés avant la guerre, entre 1894 et 1911, à Karlsruhe. Fritz Haber a réussi à combiner l'azote de l'air avec de l'hydrogène pour produire de l'ammoniac, qui est un véritable exploit de la synthèse chimique. Grâce à ce succès, il lui sera décerné le prix Nobel en 1918. C'est Karl Bosch qui a mis au point le procédé industriel chez BASF, procédé qui est encore aujourd'hui appelé procédé Haber-Bosch, et toujours utilisé dans l'industrie, notamment pour la fabrication d'engrais qui constituent plus de 80% de la consommation mondiale d'ammoniac. Grâce à cette abondance d'ammoniac, BASF en produisait près de 9000 tonnes par an en 1914, l'Allemagne disposait au début du conflit d'une ressource sans équivalent pour synthétiser un dérivé de l'ammoniac, de l'acide nitrique, de façon industrielle, et donc des nitrates, indispensables non seulement à la production d'engrais industriels et à l'agriculture, mais aussi à la fabrication des explosifs. La seule ressource disponible à l'époque était constituée par les gisements de nitrate du Chili. La production de nitrate synthétique, à grande échelle, par oxydation de l'ammoniac, également un processus chimique délicat, fut résolue en mai 1915 dans les laboratoires de BASF à nouveau. En même temps, la société Bayer mettait son appareil productif, et en particulier ses laboratoires des colorants, au service de la recherche et de la production de gaz toxiques. On le voit bien, le développement au cours de ces années de l'industrie chimique allemande, initialement très tourné vers les colorants, doit beaucoup aux besoins de production de l'ammoniac, des nitrates, des gaz toxiques, brome, chlore, gaz moutarde, liés à la guerre chimique. Il faut bien admettre que de nombreux procédés chimiques industriels d'importance issus de la recherche, c'est le cas du procédé Haber-Bosch, en Allemagne tout particulièrement, ont vu le jour au début du XXe siècle en raison d'impératifs notamment liés à la guerre. À l'inverse, la guerre de 14-18 a révélé à quel point le retard de la France en matière de recherche et de développement dans les domaines de la chimie et de la physique également était catastrophique, comme l'écrit Charles Moureux. Plus spécifiquement, la France ne dispose pas de véritable industrie chimique et ne produit ni chlore, ni brome, ni nitrate en quantité suffisante pour pouvoir répondre à la guerre chimique déclenchée par les Allemands. En août 1914, les ministres de la guerre et de l'instruction publique mettent en place une commission pour étudier les inventions d'intérêt pour la défense nationale. C'est ainsi que, par exemple, à l'ESPCI, Paul Langevin travaille sur les propriétés piézoélectriques du quartz pour la détection de sous-marins. Du côté de la chimie, c'est notamment Charles Moureux, chimiste de grande réputation à l'époque, qui est sollicité par les autorités politiques et militaires et qui jouera un rôle déterminant, non seulement dans l'impulsion de nouvelles recherches, en particulier pour la production d'armes chimiques, mais aussi dans l'organisation du système de recherche français, alors totalement désorganisé. Il ne fait aucun doute que l'homme de science est conscient de la gravité de cet engagement. Mais il est profondément patriote et choqué par l'attaque au chlore déclenchée par l'armée allemande à Ypres en avril 1915, il ne répond qu'à son devoir de citoyen français en mettant ses compétences scientifiques au service de la défense de son pays. Cet engagement va lui coûter de ne jamais recevoir le prix Nobel qu'on a, au cours de sa vie, à plusieurs reprises pensé lui attribuer. Il faut bien avoir à l'esprit la violence des conditions historiques dans lesquelles les intellectuels français exerçaient leur activité à l'époque. Les sentiments patriotiques et nationalistes s'en trouvent exacerbés et jouent un rôle essentiel dans leurs choix professionnels et politiques. Si je m'attarde sur Charles Moureux, c'est en effet qu'il fut l'unique professeur nommé au Collège de France pendant les 4 ans du conflit. Ce sera en 1917, il avait 54 ans, sur la prestigieuse chaire de chimie organique, précédemment occupée par de très grands chimistes, succédant à Emil Jungfleisch, lui-même successeur de Marcelin Berthelot. Il le méritait. Chimiste organicien de synthèse, élu à l'Académie des sciences en 1911, il était notamment reconnu pour ses travaux sur l'acide acrylique et ses dérivés, mais également sur les composés acétyléniques, les composés phénoliques, notamment les produits naturels tirés des essences végétales, enfin aussi sur les gaz rares. Mais bon, ces gaz ne sont pas toxiques. Pendant ces années de guerre, Charles Moureux et son disciple, Charles Dufraisse, travaillent sur l'acroléine. C'est cette molécule que vous voyez ici, toute simple. Un précurseur de l'acide acrylique qu'il connaît bien. Il s'agit d'un composé dont les vapeurs sont très irritantes et très lacrymogènes. Il le savait depuis 1893 quand il utilisait cet aldéhyde pour préparer l'acide acrylique. L'acroléine sera utilisée comme gaz de combat. À la fin de l'année 1916, les obus de l'artillerie française contiendront aussi de l'iodure de benzyle, également étudié par Moureux et Dufraisse, à l'École supérieure de pharmacie, où Moureux a été nommé en 1907. Ces recherches, justifiées par la guerre et qu'on peut juger aujourd'hui inacceptables, ont conduit Charles Moureux à une découverte majeure sur le plan fondamental et qui va déboucher sur des applications d'une très grande importance pour le bien-être de l'humanité. Ses travaux, seulement publiés en 1922, 7 ans avant sa mort, avaient démarré en pleine guerre. L'acroléine, développée par Moureux pour la guerre chimique, et dont je viens de parler, est un composé instable, qui a tendance à se polymériser, au contact de l'air, plus spécifiquement, et ainsi à perdre ses propriétés toxiques. Après la guerre, dans son laboratoire au Collège de France, Charles Moureux s'est intéressé à ces processus et a montré leur caractère de très grande généralité. En effet, la plupart des produits organiques se dégradent spontanément, bien sûr avec des vitesses très variables, à l'air, à la suite de réactions d'oxydation dues à la présence d'oxygène dans l'air. Le plus souvent, ces réactions sont activées par des catalyseurs. C'est le phénomène dit d'auto-oxydation. D'une certaine façon, tout s'autoxyde autour de nous. Par exemple, il est admis que le vieillissement de l'homme est dû en partie à des processus d'auto-oxydation qui frappent les molécules biologiques. Dans le domaine des sciences de la vie et de la médecine, on utilise le terme de stress oxydant pour caractériser l'ensemble de ces processus naturels auxquels est soumis tout organisme vivant en atmosphère oxygénée. En comprenant l'origine et les mécanismes de ce processus, en identifiant les catalyseurs qui le favorisent, et surtout en observant que certains composés, en particulier des composés phénoliques, comme l'hydroquinone, qu'il avait beaucoup étudié à l'époque, avaient la capacité de ralentir et même d'arrêter ces réactions, Charles Moureux fait une découverte majeure de l'histoire des sciences, sans aucun doute la plus marquante de ces découvertes, à savoir celle des antioxydants, nomination actuelle pour ce que Charles Moureux à l'époque désignait comme antioxygène. Cette découverte, encore une fois, aurait certainement mérité le prix Nobel si, comme on l'a déjà dit, l'œuvre de Moureux n'avait pas été entachée du sang des soldats asphyxiés par ces molécules élaborées en temps de guerre. Ces antioxydants sont aujourd'hui utilisés à grande échelle comme agents de conservation et pour ralentir le vieillissement, c'est-à-dire l'oxydation des molécules et des matériaux dans l'industrie chimique, dans l'industrie alimentaire et dans les cosmétiques. De nombreux médicaments sont utilisés pour leurs propriétés antioxydantes. Les organismes vivants eux-mêmes ont élaboré des mécanismes complexes de régulation antioxydante qui leur permettent de vivre dans l'atmosphère oxygénée de la Terre et des molécules spécifiquement antioxydantes comme la vitamine C, la vitamine E ou l'ubiquinone qui est un antioxydant membranaire sur lequel nous travaillons aujourd'hui dans mon laboratoire au Collège de France. Ces questions constituent un domaine de recherche d'une très grande importance en sciences de la vie. Des armes chimiques aux antioxydants, on voit bien à nouveau tout le paradoxe de la science et de ce qu'en font les hommes. Une autre conséquence de son implication directe dans le conflit, et ce sera le second sujet que j'évoquerai devant vous, c'est le constat qu'il fait de l'état catastrophique dans lequel se trouve l'industrie française au début du XXe siècle. Il prend également conscience, d'une part, du rôle essentiel de la recherche scientifique dans le développement industriel, et d'autre part, de la nécessité pour réussir ce développement harmonieusement de mettre en place une organisation rationnelle de la recherche française où l'État joue tout son rôle à l'instar de l'État allemand. Il est en effet convaincu que c'est dans la science que chaque pays doit trouver une source de prospérité et de sécurité. Ces idées peuvent paraître triviales aujourd'hui, mais elles étaient véritablement révolutionnaires en 1918. À la sortie de la guerre, Charles Moureux se fixe donc une nouvelle mission, à laquelle il va consacrer tous ses efforts, à savoir une action de promotion de la science auprès des pouvoirs publics, lui semble-t-il incapable de percevoir l'importance de ces questions. Ce qui est urgent, dit-il, c'est que les sciences, dans un pays comme la France, trouvent auprès du pouvoir politique, comme du citoyen, un peu de cette considération qu'on accorde plus volontiers aux arts et aux lettres, dont l'opinion publique prétend plus aisément saisir l'utilité. L'action de Moureux portera ses fruits. Elle va contribuer à donner aux laboratoires français des moyens significatifs en ressources humaines, en ressources financières et en équipements. Cette réussite, Moureux la doit au choix qu'il a fait de s'appuyer sur une grande voix du monde politique. Cette voix, ce sera celle de Maurice Barrès. On peut comprendre que le patriotisme de Moureux l'ait conduit à s'adresser à l'un des maîtres à penser de la droite nationaliste de l'entre-deux-guerres. On peut aussi s'étonner que 100 ans après, en octobre 2014, on évoque avec autant d'enthousiasme un intellectuel sulfureux, certes brillant écrivain, vénéré par Blum, Malraux et Yourcenar, mais anti-Dreyfusard, raciste et antisémite. Pourtant, force est de constater que Maurice Barrès, avec l'étroite complicité de Moureux, joua un rôle déterminant dans la défense de la science française. Maurice Barrès, député et membre de l'Académie française, par son talent de communicant, dirait-on aujourd'hui, par son autorité dans le public et dans le Parlement, par une formidable campagne de presse, couronnée par un discours mémorable à la Chambre des députés le 11 juin 1920, réussit à créer un mouvement national en faveur de la recherche scientifique. Nouvelles subventions pour les laboratoires, création du Comité national pour l'aide à la recherche scientifique, reconstitution de la vie scientifique du pays. On peut situer là, donc juste après le conflit de 1914, et comme une conséquence directe de la guerre, le véritable début d'une longue histoire de l'organisation de la recherche scientifique française. Nous sommes en 1920, il faudra néanmoins attendre le 19 octobre 1939 pour que le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, soit créé. Je ne peux m'empêcher, avant de terminer, de citer in extenso quelques passages de deux textes admirables. Le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est le discours de Barrès devant la Chambre des députés le 11 juin 1920. Le second, c'est une leçon donnée par Charles Moureux au Collège de France le 5 janvier 1924 et qui s'intitule « Maurice Barrès et la science française ». Dans le premier extrait du discours de Barrès, d'une formidable modernité, on y trouve en particulier un plaidoyer passionné pour la recherche scientifique et pour en faire une priorité nationale dans un contexte de grande misère des laboratoires français et de grande précarité de leurs chercheurs. Je cite donc Barrès s'adressant aux députés. Je ne l'imite pas, je le lis. La misère de nos laboratoires est quelque chose de prodigieux. Quelqu'un qui visite les installations de la maison scientifique la plus illustre et la plus vénérable qu'il y ait dans le monde, notre Collège de France, qui depuis 4 siècles ne cesse pas d'être un lieu de haute création, est confus jusqu'à la honte des cuisines et des hangars où ont travaillé les plus grands savants. Un professeur de Cambridge, qui se faisait montrer les lieux misérables où les Claude Bernard, les Pasteur, les Berthelot, les Curie accomplirent leurs admirables travaux, s'écriait « Toutes les grandes découvertes qui, depuis 2 siècles, ont bouleversé le monde, transformé les conditions de la vie et métamorphosé l'état des connaissances humaines, ont donc été réalisées chez vous par miracle ?» Continuons avec Barrès. C'est un prodige de la force des vocations françaises que nous puissions trouver des savants avec la vie précaire et obscure que nous faisons à ces hommes d'éclatant mérite. Cela ne peut pas durer. Comment voulez-vous que dans une époque caractérisée si durement par le besoin d'argent, on trouve des vocations scientifiques en dehors des vocations de génie? Les sommes que nous consacrerons à mettre les ressources de matériel et de personnel à la disposition des savants rapporteront au centuple à la caisse publique. Développement économique et utilité pour le rayonnement de la France, voilà 2 arguments en faveur du secours que je vous demande de donner d'urgence à l'intelligence créatrice française. La leçon de Charles Moureux est un texte particulièrement intéressant. J'aurais envie de le lire dans sa totalité. Moureux y montre l'impact de l'action de Barrès sur la mobilisation du gouvernement et le sauvetage de la science française. Mais surtout, il y développe un certain nombre d'idées d'une très grande valeur et également d'une très grande actualité. Par exemple, sur la nature même de la science et de la recherche, sur la nécessité de mieux reconnaître la contribution des savants à la société, sur la nécessité d'une organisation centralisée de la recherche scientifique, sur la nécessité d'une continuité des efforts budgétaires et aussi sur l'importance du mécénat et des fondations, un sujet devenu actuellement d'une grande importance pour la plupart des institutions de recherche ambitieuses et sur lequel nous travaillons aujourd'hui très activement au Collège de France. Le dernier texte que je veux vous lire nous ramène au gaz de combat et au déchirement de conscience dans lesquels s'est trouvé Charles Moureux pendant la guerre. Il nous ramène à cette question d'une très grande complexité que nous nous posons tous en permanence et tout particulièrement aujourd'hui dans un contexte de grande sensibilité du citoyen aux questions d'environnement et de sécurité, OGM, pollution, nucléaire, réchauffement climatique, etc. Jusqu'à quel point la science doit-elle avancer, à partir duquel ses effets négatifs sur la société, sur la nature et sur l'homme deviennent plus importants que ses effets positifs? Écoutons Charles Moureux. On nous permettra d'aborder ici un sujet délicat, La puissance de l'homme par la science, qui le remplissait d'orgueil, vient d'avoir la plus terrible rançon. C'est que, en vérité, dans l'instrument de progrès forgé par le génie de la recherche, le tranchant est double. Et si sa part contributive dans l'amélioration de la condition humaine est considérable, il s'est rencontré une nation qui l'a détourné de sa mission humanitaire pour tenter de satisfaire ses appétits de domination universelle. Par bonheur, alors que la barbarie voulait étouffer la civilisation par la science, c'est par cette même science que la civilisation a vaincu la barbarie, mais au prix, hélas, des plus sanglantes hécatombes et des plus effroyables dévastations. La science est, comme toutes les forces, ce que l'on veut qu'elle soit, d'après l'usage que l'on en fait. Devant l'immensité du malheur, il en est qui hésite, et même qui incline à penser pour l'humanité qu'elle demeura éternellement dans l'obscurantisme des anciens âges. Cela ignore que la science créera la richesse où était la désolation. On ne peut pas terminer enfin sans dire le rôle joué par Moureux, malgré son sentiment patriotique et nationaliste et les rancœurs et les rancunes liées à la guerre, mais aussi comme une réponse internationaliste, originale à l'époque, tirée des leçons des désastres de la guerre. Donc son rôle dans la mise en réseau des chimistes aussi bien au niveau national qu'international, une initiative d'une très grande modernité à nouveau et qui révèle un formidable esprit d'ouverture. Il est plusieurs fois président de la Société chimique de France. Mais il est surtout l'un des acteurs majeurs de la création en 1919 de l'Union internationale de la chimie pure et appliquée, IUPAC, qui regroupe les chimistes du monde entier. Sauf pendant une période jusqu'en 1919, des Allemands qui n'intégreront cette organisation donc qu'en 1929. Charles Moureux deviendra le premier président de l'IUPAC. L'IUPAC existe encore aujourd'hui. Elle est une organisation très active. Il est temps de conclure. 100 ans plus tard, il est frappant de voir à quel point, après un siècle de progrès et de bouleversements économiques, politiques, sociaux et technologiques, les mêmes problèmes se posent à nouveau, en France en particulier. Reconnaissance insuffisante de la recherche dans les politiques publiques, dans la société, dans l'industrie, faiblesse des budgets des universités et des instituts publics de recherche, mais également en partie de nos laboratoires industriels, faiblesse des salaires des chercheurs et perte d'attractivité des métiers de la recherche auprès de nos meilleurs étudiants, sujet sur lequel nous sommes nombreux à alerter régulièrement les pouvoirs politiques. Tout cela malgré la conviction partagée que la recherche et l'innovation seront au cœur d'une nouvelle croissance. De la même façon, 100 ans plus tard, les armes chimiques, on l'a vu, n'ont pas disparu de la planète et le combat contre la guerre chimique doit continuer avec toujours plus de force. Je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 16 octobre 2014 le colloque autour de 1914-1918, nouvelle figure de la pensée, la contribution de Marc Fontcave, Charles Moureux du Collège de France au gaz de combat. Et en première partie, vous avez écouté celle d'Henri Laurence, orientaliste, aventurier, expert et diplomate. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des contributions. Les actes du colloque ont été publiés sous la direction d'Antoine Compagnon chez Odile Jacob en 2015. Je rappelle l'ouvrage d'Henri Laurence, Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux, 1768-1914, publié chez Fayard en 2017, et la leçon inaugurale de Marc Fontcave chez le même éditeur, publiée sous le titre Chimie des processus biologiques, une introduction en 2009. Réalisation Guillaume Baldi, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des répercussions de la Première Guerre mondiale en compagnie d'Antoine Compagnon et d'Olivier Agar. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.